paraît un peu mou, se dit prêt à tout sacrifier, en se passant la corde au cou, pour s'élever jusqu'au carré. Les efforts du rond pour devenir carré, sont-ils vraiment justifiés ? Étant le carré était rond ambitieux qui de trop haut a chuté. Notre rond lui ressemble un peu. Le rond veut se donner un air, un peu comme si le nombre pi briguait une valeur entière. Pi nombre rond, on en sourit. Les efforts du rond pour devenir carré sont-ils vraiment justifiés ? Prétentieux, mobilier, misogyne, précieux. Le rond toujours à l'aventure, familier, androgyne, nature. Le rond veut se dévergonder en abandonnant le simple pour le sophistiquer, oubliant qu'il était si humble. Les efforts du rond pour devenir carré sont-ils vraiment justifiés ? Quadrilatère, bien souvent en rêvant d'évasion, il tourne en rond à ne rien faire. Le rond donnerait tout pour épouser l'orthogonalité, mais il doit payer le prix des règles de géométrie. Les efforts du rond pour devenir carré sont-ils vraiment justifiés ? Sont morts, le cœur du rond lui bat encore. Ses formes appellent la caresse quand les coins du carré nous blessent. L'effort du rond pour faire effet n'est absolument pas justifié. Et quitte à devenir carré, alors mieux vaut se suicider. Alors mieux vaut se suicider. Les efforts du rond pour devenir carré sont-ils vraiment justifiés?